Cinquième partie, expédition du Mississippi. Monsieur d'Iberville quitta la baie d'Hudson en 1697 et revint en France. Il rendit compte de sa mission et énonça les moyens qu'il y avait à prendre afin d'en assurer le succès. Il parle ainsi de l'avenir des possessions françaises en Amérique. Suivant lui, il fallait s'occuper des dangers qui menaçaient nos établissements. Ces dangers venaient du voisinage de puissances qui étaient redoutables par leur nombre et par une position supérieure à celle des colonies françaises. Vis-à-vis de nos colonies du Nord, les Anglais et les Hollandais occupaient des pays d'un climat tempéré et d'une production surabondante. Ils pouvaient attirer des quantités innombrables d'émigrants. De plus, ils pouvaient les établir avantageusement et les fixer pour jamais. Les Français qui viennent dans la Nouvelle-France y sont attirés par quelques avantages, par l'immensité des forêts et des pêcheries à exploiter, mais ils ont à lutter contre un climat si rigoureux qu'ils ne songent, après avoir amassé quelques biens, qu'à s'en aller le faire fructifier dans la mère patrie. De là, une cause d'infériorité pour les colonies françaises. Les Anglais sont établis dans le sud, sous une zone supérieure à celle de leur propre pays. Quand ils en ont joui pendant quelques années, ils ne veulent plus partir et contribuent à élever ainsi chaque année le chiffre de leur population. Aussi les Français ne se comptent que par 20 000 et leurs voisins par plus de 200 000. Pour soutenir la concurrence, il faudrait donc que, tout en conservant les possessions si avantageuses du Nord, la France songeât à occuper les contrées si favorables du Sud, sur les rives du Mississippi et du Missouri, et cela jusqu'au bord du golfe du Mexique, où se trouvent les plus beaux pays du monde. Et ce serait d'autant plus urgent que les Anglais se préparent à s'établir dans ces immenses contrées du Sud. Et il concluait par ces paroles: « Si la France ne se saisit pas de cette partie de l'Amérique qui est la plus belle, pour avoir une colonie capable de résister aux forces de l'occupation anglaise, celle-ci, qui est déjà très considérable, s'augmentera de manière que dans moins de 100 années, elle sera assez forte pour se saisir de toute l'Amérique et en chasser toutes les autres nations. D'un autre côté, la possession du Canada ne peut avoir son prix que par l'extension à l'ouest par le Mississippi. Et cette extension n'a absolument d'utilité que par la possession des bouches de ce fleuve, qui mettra le Grand Ouest en communication avec les îles françaises des Antilles, et principalement avec Saint-Domingue. » Vauban, dans ses considérations sur l'avenir des colonies françaises, avait absolument les mêmes idées que le chevalier d'Iberville. « Quant à la qualité des établissements coloniaux, disait-il, il n'y a rien de plus noble et de plus nécessaire. Rien de plus noble, parce qu'il n'y a pas moins que de donner naissance et accroissement à une immense monarchie qui, pouvant s'élever au Canada, à la Louisiane et à Saint-Domingue, deviendra capable de balancer toutes les autres puissances de l'Amérique et d'enrichir les rois de France. Rien de plus nécessaire, parce que, sans cet accroissement, à la première guerre avec les Anglais et les Hollandais, nous perdrons nos possessions sans espoir d'y jamais revenir. » Dans le même temps, on remit à M. de Pontchartrain un mémoire qui avait été rédigé par M. d'Ailleboust, fils de l'ancien gouverneur de Montréal, et qui résume toutes les données fournies par les différents exploiteurs de l'Ouest et du Mississippi, comme Marquette, Joliette, La Salle, De Tonty, etc. Le pays où l'on propose à Monseigneur d'établir une nouvelle colonie est d'une richesse admirable et du plus bel avenir. Il est d'une grande étendue, car le Mississippi qui l'arrose a plus de 600 lieues de longueur, allant du 46e degré de latitude au 30e. Ce fleuve est alimenté par plusieurs rivières très belles, venant les unes de l'Est, comme l'Ohio, le Wabash, le Tennessee, les autres de l'Ouest, comme le Red River, l'Arkansas et le Missouri. Les seuls habitants sont des sauvages paisibles, hospitaliers et amis des Français. Ils sont relativement peu nombreux. Enfin, c'est une contrée d'une fertilité incomparable. Le climat est tempéré, l'air pur, le pays capable de produire toutes les choses nécessaires à la vie. Le maïs et les vignes y sont en abondance, ainsi que les arbres à fruits, et produisent 2 fois par année. La plupart des fruits y sont plus gros et meilleurs que les nôtres. Enfin, il y en a des quantités qui nous sont inconnues, les bananes, les ananas et bien d'autres. Les chanvres ont 8 à 10 pieds de hauteur, Les oliviers poussent jusqu'à 30 pieds au-dessous des branches. Les chênes sont énormes et comparables à ceux de Norvège. Les pêchers, les pruniers, les figuiers produisent des fruits énormes et mûrissent deux fois par an. Les copals, les pins, les cypriers, les cyriers, les châtaigniers abondent, et les marronniers sont aussi beaux que ceux de Lyon. Les melons et les patates sont d'un revenu abondant. Le gibier est nombreux en castors, en chevreuils, en cerfs plus grands que ceux de l'Europe. Les bœufs sauvages donnent le plus beau cuir. On les rencontre, ainsi que les chevaux, par groupes de plusieurs milliers. Les prairies et les forêts sont remplies de faisans, de pigeons, d'outardes et de dindons sauvages. On peut en tirer une infinité de pelleteries, des cuirs et des laines très fines et très abondantes. On trouve des métaux en quantité, du plomb, du cuivre, de l'étain, etc. Il y a abondance de bois de construction, faciles à transporter par la quantité des rivières navigables. Il y a aussi abondance de bois précieux, de couleurs et propres à la marqueterie. Le tabac, le sucre et le coton y viennent très bien et sont aussi beaux que ceux des tropiques. Enfin, c'est un pays de plus grand avenir. La position est avantageuse au commerce, à proximité des Antilles d'une part et de l'autre du Mexique et du Pérou. Ces renseignements concordaient avec les assertions de La Salle et de Tonti. Ces hommes héroïques, au prix de leur jour, avaient non seulement reconnu la richesse incroyable de ces pays, mais ils en avaient aussi frayé le chemin et reconnu les voies. De plus, ils avaient noué des relations qui n'avaient laissé que de bons souvenirs et avaient fait aimer le nom français. Quand on examine les extrémités où ces hommes d'un caractère si élevé se sont réduits pour conquérir des empires à l'Europe, quand on pèse le peu de gloire qu'ils ont acquise à côté des misères qu'ils ont supportées, on s'étonne et on gémit de l'oubli où leur mémoire est tombée. Le nom de La Salle avait disparu de cette terre après que les dernières traces de son expédition furent effacées. Ces renseignements, qui concordaient avec plusieurs documents que le ministre avait déjà en sa possession, déterminèrent à exécuter immédiatement ceux qui avaient été arrêtés depuis longtemps. On trouvait le moment urgent. On savait que les Anglais avaient l'intention de se rendre au Mexique. La décision fut prise. Dès le 15 février 1698, M. d'Iberville fut prévenu de réunir tous les Canadiens qui étaient revenus à La Rochelle avec lui et avec son frère de Sérigny, afin qu'ils puissent se joindre à l'expédition. Le ministre avait l'estime la plus haute pour ces marins intrépides qui s'étaient distingués à la baie d'Hudson et à l'île de Terre-Neuve. M. de Frontenac avait signalé leur mérite en ces termes : « Je me fais fort de fournir des gens plus habiles qu'aucun de l'Europe. Ce sont les Canadiens. Ils ne laissent canotiers et sont habitués à l'eau comme poissons. » Ensuite, on procéda à l'armement des bâtiments. Le 10 juin, le ministre donna la liste des officiers. Il y avait deux bâtiments, la badine de 40 canons, le marin de 30 canons et plusieurs felouques. Liste des officiers devant servir sur la badine. Le sieur d'Iberville, capitaine de frégate, le sieur Lescalette, lieutenant de vaisseau, le sieur Moreau, enseigne, le sieur de Marigny, enseigne en second, de la Gauchetière et de Bienville, garde de marine. Officiers devant servir sur le marin. Commandant le sieur de Surgères, capitaine de frégate, le sieur du Hamel et le sieur de Sauval, lieutenant de vaisseau, le sieur de Villautrey, enseigne, et le sieur de Sainte-Colombe, garde de la marine. Le 10 juin, d'Iberville adressait un nouveau mémoire, où il exposait ses vues en ces termes. Pour faire un établissement sur le Mississippi, il faudra au moins 4 bâtiments. Premièrement, un navire de 50 canons avec 250 hommes d'équipage. Deuxièmement, une frégate de 20 canons avec 120 hommes. Troisièmement, un bâtiment de 12 canons avec 65 hommes. Quatrièmement, un bâtiment de charge monté par 80 hommes, dont 30 soldats. 8 mois de vivres avec faculté d'accoster à Saint-Domingue pour prendre de la viande fraîche, si nécessaire dans les grandes traversées. Je n'arrêterai qu'une dizaine de jours, et il serait bon de ne rien dire du but du voyage à Saint-Domingue à cause de la proximité de la colonie anglaise de la Jamaïque. De là, il faudra longer la côte américaine à 50 lieues de la Floride jusqu'à la baie du Saint-Esprit, qui est à moitié de la distance entre la Floride et la baie Saint-Louis, où La Salle était allé atterrir en son voyage. La baie du Saint-Esprit est à 100 lieues de la baie Saint-Louis. De là, j'enverrai un bâtiment à l'Acadie pour ramener 50 Canadiens. Il faut des marchandises pour présenter aux sauvages. Haches, chaudières, aiguilles, rassades, clous, etc. Ces objets représentent au moins 20 000 francs de dépenses. Enfin, je demanderai que mes ordres soient généraux, comme à la baie d'Hudson, à cause des inconvénients qui arrivent quand les ordres sont trop bornés, dans une entreprise de cette longueur et de cette importance où l'on ne peut tout prévoir. Le 23 juillet, le ministre envoya au sieur d'Iberville ses instructions, dans lesquelles nous voyons qu'il acquiesce à toutes les suggestions qui lui avaient été énoncées. Océan Atlantique. Vaste étendue d'eau qui sépare l'Europe et l'Afrique de l'Amérique. Cet océan forme la mer des Antilles, la Manche, la mer d'Irlande, la mer du Nord, la mer Baltique et la Méditerranée, qui communiquent avec l'Atlantique par des passes très étroites. Les principaux tributaires sont en Europe la Tamise, la Seine, la Loire, la Garonne, etc. En Amérique, le Saint-Laurent, l'Orénoque, l'Amazone, la Plata. Dans cet océan, il y a plusieurs courants. D'abord le courant équinoxial qui se dirige du Sénégal au Yucatan, puis le Gulf Stream qui longe la côte est de l'Amérique, entre ensuite dans le golfe du Mexique, puis se dirige vers le nord jusqu'au Labrador, d'où il traverse l'Atlantique pour aller échauffer les côtes de la France et de l'Angleterre jusqu'au Cap Nord, au sommet de l'Europe. Au sud-est, on trouve ce qu'on appelle la mer des Sargasses, vaste assemblage de plantes marines qui rend de la navigation difficile.